Hit Rap. 100% rap français. Et c'est parti juste après D-Fool, 100% rap français. Je vous l'avais dit tout à l'heure dans le Planet Rap avec Soprano, elle est de retour. Siana, yes. Ça va? Comment vas-tu? Eh ben écoute, ravi de t'avoir pendant une bonne heure là dans la nocturne. C'est toi qui vas prendre le contrôle de la nocturne. Yes. Et c'est tellement rare en plus que ce soit une nana qui prenne le contrôle de la nocturne. T'as vu ça? Ça fait du bien que tu viennes foutre un peu de bordel dans ce rap game, Siana. Ouais. Bon, tout va bien pour toi? Ça va, ça va. Ça va, beaucoup de concerts qui s'enchaînent, on le disait ce soir. Ouais. Il y a les premières parties de Sopra et puis des concerts aussi pour toi. Ouais. On filera d'ailleurs la liste tout à l'heure des différents concerts. Un EP qui arrive. Yes, lundi. Lundi dans les bacs. Dans les bacs. C'est 8 morceaux. 8 morceaux, ouais. Ou une carte de visite. Beaucoup de kickage. Ouais. Une carte de visite de ce que tu es, de ce que tu fais. Exactement. Et qu'on va pouvoir aussi découvrir ce soir dans la nocturne. T'es venu une petite sélection de morceaux aussi différents. Ouais, voilà, j'ai sélectionné quelques morceaux du projet et aussi des autres morceaux d'autres artistes que j'apprécie énormément. Bon, est-ce que tout va bien pour toi? Ça va, nickel. Est-ce que t'es heureuse avec ce qui se passe en ce moment? C'est mortel. C'est vrai? C'est mortel, ouais. T'es heureuse? Bien. T'as fait le tour du monde avec tes freestyles? Ouais. Ou presque. Bon, il reste encore quelques territoires à découvrir, ça va? Ah, encore, il en reste quelques-uns. Ça te laisse une bonne marge. Ouais. Bon, on va revenir un petit peu sur tout ce parcours, sur qui est Siana aussi dans quelques minutes. Mais pour mieux faire connaissance avec toi, ceux qui vont aussi te découvrir, je l'espère, dans la nocturne. Et avant la sortie, donc lundi, dans les bacs de Siana, le EP. Qu'on peut précommander dès maintenant. Ouais, depuis pas mal de temps déjà, c'est en précommande sur iTunes. Donc voilà, je vous invite à y aller. Si vous kiffez Siana, allez cliquer maintenant, loupez pas Siana. On débute avec deux morceaux de Siana et puis on parle un petit peu de son parcours juste après. C'est parti. 100% rap français, Planète Rap. La nocturne. What's up? Laisse-moi kicker, baby. Hein, dédicace à tous mes maghrébins. On est à l'ou quoi? Bouche. Yo, pour mes arbiens. Et yo, what's up? Assalam alaikum. Gage grave la pêche. Faut que je me taille un week-end à Casa en passant par Marrakech. Car en France, c'est grave la dèche. On cherche tous à faire de la moula. Faut que je me bouge de BBS. Donc avec moi, je ramène mon gabouna. Je suis toujours à la furebeu. Je suis toujours dans la queue depuis que t'as entendu mon débit. Bizarre, mon gars, vas-tu ne jacques plus? Je prends toujours parti pour mes potes. Mais là, mon gars, t'abuse. À chaque nouveau couplet, je les chope comme mon gars va MOH la ruse. Mehdi Benata, dealer, tous les chemins mènent à la S-ROM. Ils aimeraient tous rapper comme moi. Donc jusqu'en cabine, ils m'espionnent. Si t'arrêtes de rapper, en vrai, c'est un mal pour un bien. Les rappeurs sont comme les chanteurs de zouk, toujours à chialer pour un rien. Siana, c'est je veux la maille du Qatar. Si tu veux graille, arrive à l'heure, sinon on prendra mes herbes sont tous. Cette année, j'ai en tout graille. Histoire de finir mes jours dans une villa à Dubaï. Cette année, je vais être partout comme le drapeau algérien. Le 9 mars, dans les bacs, ça fait. Mon son, c'est de la frappe comme le pilon marocain. Les rappeurs, je les ai piqués comme du piment tunisien. Deuxième couplet, je me barre à Alger. Okay. En passant par Waran, de nos jours, ce sont les moins âgés qui sont le plus dans le haram. Je mets à fond dans la religion. Donc j'enchaîne les rappels, mais quand j'en parle à mes potes musulmans, je me rends compte qu'ils m'écoutent à peine. Nabila a dit allô, Bukhara fait sorwero. Fils à fond, les sous la carrière et des punchlines à la NIRO. À trop prendre les choses à cœur, on va tous rester sur le carreau. Je leur vends tellement de rêves, les maisons de disques veulent que je baisse le tarot. Peut-être péter les dirhams, arabe monnaie dans ma poche. Je bosse avec le numéro 7 pour finir Uno de la compète. What's up, mon rebeu? Dis-moi, c'est quoi ta vie? J'aimerais voir mes refrains refaits à zeler comme des Qataris. Siana, c'est Qatar. Je veux la maille du Qatar. Si tu veux graille, arrive à l'heure. Sinon, on prendra ta part. Mes herbes sont tous hals. Cette année, je viens tout graille. Histoire de finir mes jours dans une villa à Dubaï. Cette année, je vais être partout comme le drapeau algérien. Le 9 mars, dans les bacs. Mon son, c'est de la frappe comme le pilon marocain. La nocturne, on est à nous quoi? C'est bientôt la fin du game, je suis indécile. Yo imbécile, faut investir. Arrêtez de poser des questions imprécises. Oh. C'est acide, à une leçon de flow ils assistent. Chaque freestyle, je les attris. Je suis validé par le public. Sanya, dealer, on ira jusqu'au sommet. J'ai plus le temps de déconner. Faut que je mette un terme à tous mes projets. J'en mets vite la pression. Hey, pose pas trop de questions. Si tu veux que je fasse impression, faut qu'il y ait moins comme un G-son. Sanya, c'est Qatar. Je veux la maille du Qatar. sont tous hals. Cette année, j'ai en tout graille, histoire de finir mes jours dans une villa à Dubaï. Cette année, je vais être partout comme le drapeau algérien. Le 9 mars dans les motherfucking bars comme le pilon marocain. Des rappeurs, je les ai piqués comme du piment tunisien. % rap français, planète rap. La nocturne. Je savais à comment tenir en plus de ça. Ah, ce qui paraît, le meilleur reste à venir. Yo, moi, je savais à quoi m'en tenir en plus de ça. Ah, ce qu'il paraît, le meilleur reste à venir. En deux pieds dans le rabier, un œil sur la concu. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et eux, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Frère, tu racontes n'importe quoi, j'écoute parce que tu prédis. Yo, je dois jamais rien à personne, c'est pour ça que je n'ai jamais de crédit. Trop de gens faux, on me dit, Siana, ça y est, faut que t'avances toute seule. Je fais genre, je m'en fous, mais au fond, je sais que ces gens me portent tous l'œil. Bienvenue chez nous, on te passe le salem. Debout jusqu'à ce que le soleil se lève. Reste pas trop près si tu vois que je m'énerve. Je dors tellement peu que j'en oublie mes rêves. Je savais à quoi m'en tenir en plus de ça. Ah, ce qui paraît, le meilleur reste à venir. Yo, moi, je savais à quoi m'en tenir en plus de ça. Ah, ce qui paraît, le meilleur reste à venir. Quoi qu'il en soit, j'avance, je les laisse derrière moi. Quoi qu'il en soit, la route est longue, les miens croient en moi. Quoi qu'il en soit, chacun ses peines, chacun ses victoires, chacun ses joies, chacun son histoire. Moi, je reste fier devant mon miroir. Je force pas le destin, je laisse les choses se faire. Je marche avec les miens, donc je suis sûr de ne pas me perdre. Quoi qu'il en soit, j'avance, je les laisse derrière moi. Quoi qu'il en soit, la route est longue, les miens croient en moi. J'ai jamais compté sur son père, jamais mieux s'indique par soi-même. J'ai commencé par des concerts et gros, maintenant t'as vu où ça mène. Premier son sur Génération, deuxième clip en haute qualité. Pourquoi ça part d'égalisation? On sera jamais à égalité. Yo, méga kiff, t'es gaskis. On fait des choses fantastiques. On veut pas de vos flots en plastique et on veut pas de vos caprices. On va venir tous vous choquer. De quoi vous foutre les chocottes? Le rap, tu devrais stopper. T'as jamais sorti un son propre. Je savais à quoi m'en tenir en plus de ça. Ah, ce qui paraît, le meilleur reste à venir. Yo, moi, je savais à quoi m'en tenir en plus de ça. Ah, ce qui paraît, le meilleur reste à venir. Quoi qu'il en soit, j'avance, je les laisse derrière moi. Quoi qu'il en soit, la route est longue, les miens croient en moi. Quoi qu'il en soit, chacun ses peines, chacun ses victoires, chacun ses joies, chacun son histoire. Moi, je reste fier devant mon miroir. Je force pas le destin, je laisse les choses se faire. Je marche avec les miens, donc je suis sûr de ne pas me perdre. Quoi qu'il en soit, j'avance, je les laisse derrière moi. Quoi qu'il en soit, la route est longue, les miens croient en moi. Toujours en tête du peloton, même avec les mains menottées. Le flow carré comme Louis Vuitton, on garde notre froc, on est culotté. On est culotté, flow Bugs Bunny, j'ai tout carotté. Tu peux pas monter, tu peux pas noter, car d'un talent, tu n'es pas doté. Ils cherchent tout ça, nous rien, pour une histoire de billets. Les filles portent tout en vrille, allez vous faire enquiller. Je veux que mon son soit reconnu, je m'en fous, moi je veux pas briller. Je sais qu'à la première venue, comme l'a dit McTayer, vous m'oublierez. Biatch. Je savais à quoi m'en tenir. Le 9 mars dans les bacs, on est à l'ou quoi? Le meilleur reste à venir, yo, moi. Je savais à quoi m'en tenir en plus de ça. Ce qui paraît, le meilleur reste à venir. Quoi qu'il en soit, j'avance, je les laisse derrière moi. Quoi qu'il en soit, la route est longue, les miens croient en moi. Quoi qu'il en soit, chacun ses peines, chacun ses victoires, chacun ses joies, chacun son histoire. Moi, je reste fier devant mon miroir. Je force pas le destin, je laisse les choses se faire. Je marche avec les miens, donc je suis sûr de ne pas me perdre. Quoi qu'il en soit, j'avance, je les laisse derrière moi. Quoi qu'il en soit, la route est longue, les miens croient en moi. Elle s'appelle Siana, elle est dans la nocturne ce soir. Yes. Avec nous pendant une petite heure. Siana Arabica pour débuter, puis ce morceau à l'instant. Quoi qu'il en soit, c'est deux morceaux qu'on retrouve sur l'EP. Hein. Ouais, exactement. Exactement. Ça sort lundi, c'est déjà en précommande dès maintenant. On va revenir, je disais, sur ton parcours, toi, Siana. Oui. Parcours qui débute dans l'Oise pour toi. Ouais, à Beauvais. À Beauvais. À Beauvais, ouais, dans l'Oise, dans le 60. Donc c'est quoi? Tu commences à rapper par passion? Ouais, je commence à rapper. C'était un délire à la base avec des amis à moi. Et après, petit à petit, on a formé un groupe et c'est devenu de plus en plus sérieux. Et là, maintenant, je suis dans ma carrière solo. Voilà, carrière solo, t'as rencontré, t'as croisé un garçon qui s'appelle Seven. Ouais, je l'ai rencontré grâce à Issam, le manager de Linda, en fait, à un concert de Linda la section. Linda Sherazade, ouais. Ouais, et j'ai freestylé avec Linda et du coup, Issam m'a demandé si quelqu'un s'occupait de moi. Et il m'a présenté Seven et voilà. Ensuite, on a commencé à travailler ensemble. J'ai rencontré Mwand par la fin, en même temps. Et voilà, maintenant, on travaille tous les trois. Et c'est donc, c'est les deux gars qui s'occupent de toi. Ouais. Qui prennent soin de toi. Ils sont là, là. Ils sont là. Ah, ils sont là, on les salue d'ailleurs, hein, les gars. Salut Fred. Ça va bien ou quoi, Seven? Tranquille et toi? Bah écoute, parfait. J'attendais un featuring avec Sienna. bientôt, ça arrive. Non, ça arrive. Je suis un vieux loup à la patte cassée, je rappe plus, moi. Ça y est. En retrait un petit peu? Ouais, en retrait. Bon, toi, la fois où tu l'as entendu, justement, Sienna, direct, tu te dis, c'est d'où elle sort? Franchement, le premier freestyle que j'ai entendu d'elle, je me suis mangé une tarte, en fait. Mmh. J'étais allongé. Je crois qu'il était 2h du matin. C'est vrai. Tu étais allongé. Voilà, j'étais au lit, tu vois. J'étais en train de. J'ai reçu le message d'Issa, il m'a dit, ouais, tu devrais écouter. Je me suis mangé une tarte. Et là, tarte. Tu t'es relevé direct. Ah, je me suis relevé direct. Merde. Non, je me suis relevé direct. Je peux pas dormir, en fait. C'est pas possible. Ouais, franchement, j'ai écouté un freestyle d'elle, je me suis mangé une tarte. Et bon, juste par la suite, je lui ai envoyé un message. Et voilà, on a été amené à se rencontrer. Le feeling est passé direct. Le feeling est passé direct et voilà. Tu connaissais Sienna un petit peu, Seven, ce qu'il faisait, En fait, je l'avais rencontré au concert à un concert à Beauvais, dans les coulisses. On s'était pas vraiment parlé. Et du coup, quand je l'ai revu, Il t'allongeait encore. Comment? Il t'allongeait encore. non, il travaillait. D'accord. C'est un mec qui travaille allongé, hein, tu sais. Ouais, tout le temps. Attends, tout le temps. Et donc ouais, le feeling est passé. Direct, franchement direct. Et voilà, on a enregistré Passe-moi la télécommande. Et de là, voilà, le parcours a continué. Donc là, le but, je vais m'adresser d'abord au producteur avant toi, Sienna. C'est quoi le boulot qu'il y a à faire autour de Sienna? C'est la faire connaître? Ouais, en fait, comme le rap, c'est un milieu assez masculin. Même si à l'époque, c'est une femme qui a plié tout le monde. Voilà. Et qui reste voilà. encore numéro 1. Reste encore hein, numéro 1. Hein. Voilà, les mecs, ils ont du mal à l'avaler, mais bon, c'est. Je veux dire ce qui est, tu vois. Diams. Et nous, Sienna, ce qu'on a fait sur Sienna, on s'est dit, bon, on va leur montrer qu'elle sait rapper. Parce qu'elle sait rapper de ouf. C'est une performeuse, mais de ouf. On arrivait en mode kickage. Juste pour montrer aux mecs que voilà. Elle s'appelle Sienna, elle déboîte. Donc l'idée c'était d'aller faire des vidéos d'abord un petit peu partout. On s'est dit on allait pas faire des freestyles devant des voitures comme tout le monde. Avec des chichas, un pitbull, un truc, tu vois. On s'est dit voilà, on va ressortir, c'est une meuf, faut y aller à la pincette, on va y aller tranquille au début. Donc on a trouvé l'ouverture, les voyages. Voilà, ouverture, on est parti sur un concept tour du monde. C'est-à-dire on prenait un pays. Par exemple pour le Maghreb, on s'est dit on toujours avec le nom de Sienna. Là on veut vraiment marteler son nom. On a pris Sienna pour le bled, on a fait Sienna Arabica. Ouais, qui est le morceau avec lequel on a débuté, ouais. Voilà, exactement. Après pour la Russie, on a fait Sienna Shnikov. Pour la Chine, on a fait Sienna Town. Et voilà, il y en a d'autres encore. Il y en a un qui s'appelle Sienna Africa, il est pas sorti pour tous les aficionados, on le sortira plus tard. Mais on est vraiment parti sur ce concept de freestyle avec son nom pour vraiment imposer son. Vous avez fait nom, pratiquement quoi. Tous les continents ou... Non, pas encore. Il reste bon, après, quoi, les États-Unis, enfin les États d'Amérique. Ouais, c'est en Amérique aussi, c'est prévu. C'est en Amérique, pardon. Il donne pas le visa, Seven. Ah, non, je suis au blé. On peut pas. Putain, Seven, merde. Je suis au deblé. T'es bloqué. Et donc, ouais, l'idée, c'est voilà, la faire connaître par d'avoir des petites vidéos, du kickage avant tout. Voilà, du kickage avant tout. Même si on a vraiment des morceaux à thème. On a vraiment des morceaux à thème qu'on a mis de côté pour l'instant. Voilà, on les sortira plus tard. Déjà, c'est vraiment d'imposer son nom et de la faire connaître, tu vois. Et puis là, donc, la première carte de visite, j'ai envie de dire, c'est voilà, l'EP qui arrive lundi. L'EP qui arrive lundi, voilà, c'est Sienna, il s'appelle Sienna, l'EP. J'allais dire éponyme ou épinome, je sais pas, je me trompe, tu vois. Écoute, c'est pas mal, épinome, hein. Ouais, voilà, ouais, c'est pas mal. C'est un nouveau concept, pareil. Et il sort aussi en physique. Hein. Ouais. Aussi en ah physique. Oui, on peut le trouver en CD aussi. En CD, quelques exemplaires. Donc dès lundi, sinon en précommande dès maintenant, allez-y. Précommandez, vous n'allez pas être déçus. Hein, par Sienna qu'on continue à découvrir. De toute façon, vous restez là, on va continuer à parler aussi de ton parcours. Yes. Parce qu'une autre belle rencontre aussi, c'est avec Sopra, puisque tu fais pas mal de premières parties de Sopra. T'en as fait. Ouais, ça se passe super bien. Et on va continuer. On va filer les dates dans un instant. Là, on repart sur un morceau du EP avec Mac Taylor. Ouais, le fameux Appel Manqué. Appel Manqué, il a été balancé pareil il y a quelques semaines. Ouais, quelques semaines, ouais. Début 2015, il a bien pris, donc voilà. Et bon, on l'écoute maintenant. Grosse dédicace au général. Si.

Préviens tes potes, évite leur l'état de choc. Okay. Car c'est fièrement que je vais représenter mon époque. Ok, tu reviens décapité, rapé des rimes en quantité. Mon panda, je crois que t'as pas pigé. Pourtant, ce n'est pas compliqué. Le rap, on vient s'accaparer. Tous ces rageux n'ont qu'à parler. On sait ce qu'on vaut, donc on s'en fout. À qui t'as beau nous comparer. On quitte en équipe, solo ou pas, on clique. Je fais ça depuis peu. Ah, tu croirais que ça fait 10 piges. Je reprends du service, ça va aller super vite. Tu vois qu'on est les best, poto. Pourquoi tu persistes? Un flot de l'espace, les MC sont en extase. Tu vois qu'on est en place, donc poto reste calme. L'avenir du game est entre nos mains. On vous a dit de les prévenir. Si je suis là, c'est pas anodin. Prévenez-les, prévenez-les, hein. On vient tout retourner quand on part en tournée, yo. Prévenez-les, prévenez-les. On vient tout saccager quand on débarque en concert. On est dans le futur, ils ont validé nos concepts. On changera pas, même avec un compte blindé. Même signé, on se comportera comme en indé. Donnez les commandes, la concurrence est trop lente. Je suis trop loin, poteau, j'arrive dans le game en soucoupe volante. Ranger l'espace et les paillettes, nous on s'en balaye. On frime pas avec des choses qu'on peut pas y être. Dans les bacs. Sur iTunes sans préco. Siana. Le 9 mars dans les bacs. Au sort monde, au sort Seven. C'est bon, pas mal. Seven. C'est. C'est la nocturne et c'est Siana au contrôle. Siana, mais pas toute seule, hein, comme vous l'entendez. Oui. Il y a des mecs qui back sévère avec toi derrière. C'est des fous. Gros backer. C'est du très très lourd. Siana, à l'instant, donc morceau exclu celui-ci, prévenez-les. Ouais, hein. Oui, oui, morceau exclu du EP. C'est un morceau que j'aime vraiment beaucoup. Ça kick, sur scène, ça rend super bien. Mmh. Bah, morceau de scène, justement, tiens, la scène, c'est dès mardi, t'es du côté de Toulouse. Première partie de Soprano le 10 mars. On commence à Toulouse. Ça va être archi lourd. Eh bah, loupez pas. J'étais il y a une semaine à Toulouse. Eh bah, t'y retournes là mardi. Ouais, avec plaisir, avec grand plaisir. Première partie de Soprano aussi le 12 mars à Dijon. Il y aura ensuite Metz le 13 mars. Le 15 mars à Lille. Le 21 mars à Nantes. Le 27 mars, c'est la première partie de Joke à Sannois. Ouais. 28 mars, c'est toi au festival Chorus de la Défense sur le parvis de la Défense. 1er avril à Grenoble, de retour en première partie de Sopra. Le 2 avril. 2 avril, ouais. Saint-Etienne au Zénith. 3 avril au Dôme de Marseille. Ouais, Marseille. Marseillais, préparez-vous. 9 avril à Bordeaux. Le 10 avril, tu es en festival, le festival Mytho. Ouais, Mythos. Arène, ouais. Mythos, c'est Mytho, je sais pas. C'est quoi, c'est Mytho ou Mythos? On sait pas si c'est vraiment vrai. Ouais, c'est... On sait pas. 10 avril, hein, Myrénée, dites-nous. A priori, il y a un festival Mytho là-bas. Donc, vous retrouverez peut-être Siana. Le 10 avril, 24 avril à Strasbourg, ouais. Première partie de Sopra. Le 27 avril, Printemps de Bourges. Yes. Yes. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose, ça. Ah, oui, oui, Printemps oui. De Bourges, c'est une belle scène. Le 7 juin à Maubeuge, aux Folies de Maubeuge. Et à la maison, le 12 juin à Beauvais. Festival Urban à Louvre-Boîte. Yes. Un endroit que tu connais certainement à Louvre-Bois. Bien sûr. Du côté de Beauvais. Et puis je crois qu'il y a plein d'autres dates aussi qui arrivent. Il y a d'autres dates qui arrivent aussi. Donc où est-ce qu'on peut se renseigner? Où est-ce qu'on peut te suivre, Siana, par exemple? Vous pouvez me suivre sur Twitter, @Siana, S-I-A-2-N-A, D-W-A-Y-N-A. Et ensuite, vous pouvez me suivre sur Facebook également, c'est pareil, Siana. Également sur Instagram, Siana aussi. Donc voilà, je suis un peu sur tous les réseaux sociaux, vous êtes tous les bienvenus. Et bah allez suivre Siana, celle qui va marquer aussi cette année 2015. Vous avez réfléchi pour l'album, c'est quoi? Plutôt 2015, 2016, il n'y a pas de date de... Là, on est, en fait, on est déjà en train de taffer l'album. On a plusieurs titres de prêt déjà. Et pour l'instant, on n'a pas de date butoir, mais on verra selon l'évolution des choses. Mais pour l'instant, ouais, c'est clair que ça peut aller vite. On va défendre le EP et puis on va continuer. Vous aussi allez le défendre, allez soutenir Siana avec le EP qui est déjà dispo en précommande maintenant. Sorti lundi de ce EP. On voulait faire un gros big up à Sopran Baba et à toute son équipe. Franchement, c'est super lourd. Là, on a déjà fait plusieurs dates avec eux. Là, on continue. Franchement, mortel. Grosse équipe. Grosse équipe. Mortel. Mais tout le monde, Zino, franchement, gros big up à tous. On s'est bien marré cette semaine. Ouais, ouf. C'était cool. Avec un gros freestyle que t'as fait d'ailleurs ce soir avec New School et la Puissance Nord qui était aussi invitée dans le Planète Rap. On continue. Je t'ai pas demandé ce qu'on mettait, Siana. Est-ce qu'on part sur un freestyle genre Siana Alicante? Est-ce que tu veux mettre une sélection de ce que t'as apporté? Comme tu veux. J'aimerais bien. Siana Alicante. Siana Alicante. Ouais, ouais. Mais ça aussi, allez voir. Il y a des images. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. T'as fait pas mal de pays. Et ouais, là, donc, direction l'Espagne. Yes, Espagne. Yo, what's up? Que nuevo, que nuevo. Que tal, que tal. Yo, buenos días. Comment estás? Inutile de préciser que le flow vient de l'espace. Tu connais pas, mais tu vois pour acquis. Que tout aboucando, todo se passa aquí. J'ai un niveau au-dessus, mais eux, c'est pas ça. Moi, dans la réal, j'ai la technique du Barça. Je vois rouge comme un taureau, j'ai ma place dans la. Le level est trop haut, y'a que dans le rêve qui m'atteigne. Là je descends en Espagne, pour qui fasse chaud. Mes morceaux des œuvres d'art comme les tableaux de Picasso. Siana dans la casa, ils se demandent c'est quoi ça. Chaque fois que j'écoute leur son, je me dis putain c'est quoi ça. Pour emprunter mon flow, faut un chèque de caution. Même pour 200 000 euros, je te donnerai pas ma potion. J'écoute même pas vos sons, vous n'avez aucune notion. Chaque fois que sur un freestyle, je vous donne une nouvelle leçon. Ils font les fous seulement quand je suis pas là. Ils sont tous à bout de souffle quand je lâche des flots de malade. Qui va les grailles comme un plat de paella. C'est Siana. Ils font les fous seulement quand je suis pas là. Ils sont tous à bout de souffle quand je lâche des flots de malade. Qui va les grailles comme un plat de paella. C'est Siana. En direct d'Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante. Je vois toujours les trafiquantes. Ils ont capté le concept, y'en a plus un qui parle. Je suis avec l'homme 7, ils deviennent tout pâles. Tu peux fouiller dans ma team, tu trouveras aucune poucave. Tous les bitches les fracassent, tous les bitches les fracassent. Ils jouent tous les brutes, mais je les graille comme des tapas. Sur tous les sons, je m'adapte. Tous les sons, je m'adapte. Tu veux du flow comme du mani, on tient plus vite que nada. Je suis venu pour faire de l'argent, mais j'ai une voix en or, frère. Je porte que des classiques, je suis une rappeuse hors pair. Cette année, je les envoie en retraite anticipée. Ils disent que le rap c'est mieux avant, mais ils sont à l'antiquité. Ils vont pas m'enquiquiner, sinon je vais les piétiner. Ils sont déjà tous cuits, donc pas besoin de les cuisiner. Ils verront que je suis au-dessus après m'avoir sous-estimé. Vous dites que je me fais rare, mais c'est vous qui m'esquivez. Où ça? Ils font les fous seulement quand je suis pas là. Ils sont tous à bout de souffle quand je lâche des flots de malade. Qui va les grailles comme un plat de paella. C'est Siana. Ils font les fous seulement quand je suis pas là. Ils sont tous à bout de souffle quand je lâche des flots de malade. Qui va les grailles comme un plat de paella. C'est Siana. Je vis ma vie à fond à 210 sur la rocade. Je suis toujours au calme, pourquoi s'affoler? Même en Espagne, t'inquiète, toujours moyen de se follow. Je veux pas les tauliers, vous n'êtes même pas doués. Vous criez que vous êtes dangereux, mais vous savez même pas jouer. Faut que les regrets, je vis ma vie à fond. J'ai comme l'impression de perdre à chaque accélération. Comme l'auréat jamais au fond, dès la première action. Toujours là pour représenter ma génération. Rapper vite, c'est mon domaine, eux ça pose un problème. Ils ont des phases en carton, je me demande d'où elles proviennent. Joue avec moi, tu vas connaître l'échec. Cette année, le rap français va devoir serrer les fesses. Je les roue de coups, mais rien qu'ils encaissent. Il me suffit d'un couplet pour mettre la concurrence en stress. Pour ça, ils font les fous seulement quand je suis pas là. Ils sont tous à bout de souffle quand je lâche des flots de malade. Qui va les grailles comme un flat de paella. C'est Siana. Ils font les fous seulement quand je suis pas là. Ils sont tous à bout de souffle quand je lâche des flots de malade. Qui va les grailles comme un flat de paella. C'est Siana. En direct d'Alicante, Alicante, Alicante, Alicante, Alicante. Je vois toujours les trafiquantes. Siana toujours rapide comme un gros, fast. 1, 2, 3. Siana toujours rapide comme un gros, fast. Alicante. Uno, Alicante. Le patron de traficante. Moussa. Uno, Alicante. Vous pouvez checker les freestyle tour du monde sur YouTube. Le patron de traficante. C'est un Alicante. Grosse dédicace à tous ceux qui me soutiennent, pardon. On est ensemble. Planète Rap, 100% rap français. Socrate, El General, 9-3 au B. Approche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bruce Lee. Au couteau de cuisine, j'ai le flow Bruce Lee. Au couteau de cuisine, j'ai le flow Bruce Lee. Kimono enfilé, ceinture noire, pieds nus sur le tatami. On m'a dit à la tête, celui qui blesse tout le monde n'aura pas d'amis. Rap de Kadhafi, d'origine tribale comme un pami. L'argent ne vient pas dans la vie de Kaira 1 qui l'attend assis. Du plastique dans la cabine, le temps qui détermine un classique. Barbarie dans le verbe comme un coup de matraque d'un CRS raciste. Rageux quand je rugis, c'est pas un jeu quand tu m'entends rugir. Surgir comme un lion dans la jungle, se m'égarde avec un œil du tigre. J'fume sur une planche, quand on baisse, ressemble à des zèbres. C'est pas les sabres de Kill Bill que je sors pour vous couper la cesse. Je sors de garde à vue, je refais mes lacets. Une connexion en équateur, c'est bon, je mets la fraîche. Casquette baissée, regard fait dans mon chargeur. Je délique ta mère sans la violer, négro, parce que j'ai grand cœur. Casquette baissée, regard fait dans mon chargeur. Je délique ta mère sans la violer, négro, parce que j'ai grand cœur. Bruce Lee. Au couteau de cuisine, j'ai le feu Bruce Lee. Au couteau de cuisine, j'ai le feu Bruce Lee. Le fantôme de mes angoisses se plaint pour chasser. Même en voiture on gueulerait, on aime se faire chasser. Jeu de la mort, je combat comme avec Abdul Jabbar. Rappeur immortel incisif comme le flow de Jada. J'prends plus mon bénéfice dans le tada. Renoir, crois-moi que ça m'agace. La fureur devient comme Bruce Lee. Je combat avec mon art martial. Quand le dragon s'énerve, il frappe avec la queue. Je survole ton empire avant de cracher le feu. Toujours près de ceux en chien qui vivent dangereusement, mais qui malheureusement purgent une peine de 10 ans. Arrive-le. Toujours le seum, je te vends ma haine à prendre cette poêle. On dit de moi, je suis trop loin. Négro, tu dois prendre cette place. Casquette baissée, regard fait comme mon chargeur. Je délique ta mère sans la violer, négro, parce que j'ai grand cœur. Casquette baissée, regard fait comme mon chargeur. Je délique ta mère sans la violer, négro, parce que j'ai grand cœur. Bruce Lee. Au couteau de cuisine, j'ai le feu Bruce Lee. Au couteau de cuisine, j'ai le feu Bruce Lee. J'ai cru porter la planète sur mes épaules. Quand je suis dans une équipe, négro, j'y reste. Demande à Paul Scholes. Boîte crânienne en ébullition, bientôt j'explose. Domination du mal, c'est la perversion des âmes que j'expose. Ancien pharaon, négro, je garde la tête haute. Rap depuis de lustres dans les astres comme un astronaute. Surfeur de galaxies traversant le cosmos. Les Qataris font peur à cette frange vidéo-cato. Casquette baissée, regard fait comme un chargeur. Je délique ta mère sans la violer, négro, parce que j'ai grand cœur. Casquette baissée, regard fait comme un chargeur. Je délique ta mère sans la violer, négro, parce que j'ai grand cœur. Bruce Lee. Au couteau de cuisine, j'ai le feu Bruce Lee. Au couteau de cuisine, j'ai le feu Bruce Lee. Ça, c'est l'école au couteau, ça. Aïe. T'as entendu ce flow? Mac Taylor, à l'instant, qui revient avec un nouvel album là, au mois d'avril. Je suis une légende. Bruce Lee, c'est ce qu'on écoute à l'instant. T'as beaucoup écouté, toi, Sienna Mac Taylor? Ouais, mais ce son-là, ça faisait pas mal de temps que je l'avais pas écouté, justement. Et quand je voulais choisir un titre, j'ai pris celui-ci. Je le kiffe. Mac Taylor, qu'est-ce que t'écoutais, toi, plus jeune, Sienna, justement, les influences? J'écoutais pas trop de rap français. Non, plutôt ricain. Ouais, R&B, américain, tout. tout ça là, des trucs comme ça. Un truc comme ça. Ouais. Normal en même temps. Si j'écoute un petit peu de rap français, mais pas trop, pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, ouais. Là, t'en écoutes un peu plus ou? Bah maintenant un peu plus, un peu plus. Un petit peu plus. Un petit peu. Et t'écoutes ton projet qui sera dans les bacs dès lundi. Yes. Lundi dans les bacs. Siana, il y aura du live aussi dans quelques minutes. Loupez pas, c'est Siana qui a pris le contrôle de la nocturne. On part sur quel son, Siana, maintenant? On part sur le son de Boulon. Comme tu veux, ça. Ouais. Boulon, un grand que j'apprécie vraiment beaucoup, à qui, voilà, je veux donner de la force puisqu'il m'en a donné. Et bon, on va écouter ça maintenant sur Skyrock. Yes. C'est ta sélection, Boulon, à découvrir tout de suite, le choix de Siana. Yes, dans la 295. Boulon, c'est comment? J'espère que t'écoutes, boy. Ou peut-être tu dors, je sais pas. Grosse dédicace à Boulon, le 9-5, Beson. Aura la loi, bientôt dans les bacs. Bientôt dans les bacs. Sur ce morceau, je suis défoncé. Faut que j'ai mon carreau foncé. Même plus le temps de pioncer. Qui est vrai ou faux, tout ça, on sait. 32 000 euros le litre, on sait. Faut de l'oseille pour remplir le sac. Faut des balles pour remplir le hack. J'ai la dalle pour remplir ta chatte. Esprit en l'air, rien à foutre leurs commentaires. J'suis armé donc viens pas me dire quand faut me taire. Sans arrêt, y'a les keufs qui passent. La maison d'arrêt, c'est ton temps qui se glace. Les autres avancent, toi t'es sur place. Si tu glisses, tu perds le match. Un peu comme au hockey sur place. Y'a la maman qui guette par le carreau. Elle a tout compris, du guetteur jusqu'au macro. Le daron et il est paro. A chaque perquise tu deviens pas l'eau. Sur ce morceau je suis défoncé. Rebeu rap du boule de Beyoncé. Faut que j'ai mon carreau foncé. Même plus le temps de Beyoncé. De Beyoncé. Sur ce morceau je suis défoncé. Boulon. Rebeu rap du boule de Beyoncé. Faire le show, ça peut coûter cher. Ta mort, c'est le bon tarot. C'est une blague, une gros, elle veut la bague, moi la tarot. Sortie de bois direct l'hôtel. 6 du mat sur le carreau. Dans le rap game, en travers comme sur le circuit Carole. Laissez-moi, je suis dans ma bulle. Me calcule pas, je m'en fous de ta vie. 20 carrés de bulle. Défoncé dans les rues de la ville. Me fais pas la morale, mauvais garçon. Pose pas de questions que des zéros à l'oral. Me demande pas ton chemin ni la honte. J'ai pas ton temps, j'ai pas ton âge. Après la pluie, il y aura l'orage. J'prendrai l'air ou bien le large. L'air ou bien le cash. Le calibre ou la calage. La musique ou bien le hache. Boulon. Sur ce morceau, j'suis défoncé. What's up, Boulon? Allez le suivre sur Facebook, Insta, Twitter. Boulon officiel, B-O-U-L-O-N. Depuis on sait, sur ce morceau je suis défoncé. Oh la loi, bientôt dans les bacs. Rebeu rap du boule de Beyoncé. Faut que j'ai mon carreau foncé. Bien plus le temps de Beyoncé. Planète rap, 100% rap français. Big dédicace à Linda Sherazade, Issa, mon ensemble. Big up à Linda, l'album en préparation. Là, c'est un morceau de H qu'on écoute. C'est Idem. Grosse dédicace au grand frère. C'est une grosse version inédite. Oh mes frères, qui m'avaient délaissé. Je vous en veux pas, je suis dans mon coin tout seul, je plane. H Magnum. Qui m'avait délaissé. Je vous en veux pas, je suis dans le coin tout seul, je plane. Et je pense que c'est idem. Seul sur mon divan, je vous souhaite que du bien. Laisse la médisance, cache comme divin. C'est vous qui me disiez que les gens deviennent aigris. Bizarre, se déguisent quand le temps se compte en devises. Je vous laisse passer devant, laissez-moi du blin. Je rame, ça fait 10 ans, je n'ai pas besoin du blin. À chaque fleur sa saison, ce que m'en disait. Je disais et je visais la nuit dans la fusée. On voit les vrais visages quand la lumière s'éteint. Moi qui étais sûr qu'on était soudés à l'éteint. C'est au pied du mur que l'amitié t'éteint, éteint. Et que l'amour décède. Je pense qu'on s'est compris, je ne ferai pas de dessin. Faire tous ces conflits dans le cauchemar des seins. Seul dans mon lit, mes soucis. seul, je blâme. Pour mes sœurs qui m'avaient délaissé. Je vous en veux pas, je suis dans mon coin tout seul, je blâme. Et je pense que c'est idem. Je suis loin d'être un savant, mais ça je le savais. Je rate souvent le vent, j'espère être sauvé. Aveuglé par l'argent, on flippe, c'est la crise. On mise, la musique brise même nos nifs. Si je prends la fuite, on me traitera de loser. Y'a que dans le sale que je sais faire de l'oseille. Un jour un frère m'a dit, réveille-toi, c'est la vie. T'es moins à pointe que ceux qui dorment sur le parvis. Je vis comme un mort, j'espère mourir en bonne âme. Je ris de moins en moins car j'ai perdu mon binôme. Les dégâts du bise, c'est ma tour de pise. Où je m'isole, figé, j'observe mieux la rive. On me dévisage comme un putain d'arrivant. Tu vois deux visages quand le butin arrive. Je suis devenu sage car mon sang, une sage-femme, un cordon, un fond fin. H Magnum. Oh mes frères, qui m'avaient délaissé. Je veux pas, je suis dans mon coin tout seul, je blâme. Gotham. Oh mes sœurs, qui m'avaient délaissé. Je vous en veux pas, je suis dans mon coin tout seul, je blâme. Et je pense que c'est idem. Grosse dédicace au frérot H. Gotham City. Artiste de fou, un talent de fou, The Dream. Je pense que c'est idem. Derrière plusieurs albums de rap français se cache la patte de H Magnum. Les yaourts, la réal, les mélos, il y en a beaucoup qui le savent pas, mais c'est un génie caché. Et je pense que c'est Dream. Dream. C'est la nocturne 100% rap français avec en effet ce morceau. Donc c'est une version inédite d'Idem, ouais. Celle-ci avec le piano. Exactement, il me l'a envoyé là justement. Il m'a dit ça c'est une version que personne n'a entendue en fait. C'est un piano voix. J'ai dit, bah franchement, c'était honorable de sa part et on, voilà, on l'a donné. Bon, en tout cas, il est fort, c'est vrai qu'il est très fort, H. Magnum. H. Magnum, mais moi, ouais. J'ai grandi avec lui, c'est un mec qui me traumate, c'est pas possible. Fred, il a un talent Fred, de il est malade. Pas content, Fred, il a pas eu l'exclu. Fred, ouais, bah ouais, mais je vais lui donner, t'inquiète, je lui ai donné déjà, il l'a. L'exclu, lequel de. Oh, de H, cette version. Ah, bah je le garde. Ah, je la garde cette version. Il a été chômé. Ah non, mais attends, là, vous l'avez mis sur l'ordi, c'est fini, c'est mort, vous la récupérez pas, c'est. Non, défense au cash Magnum qu'on salue avec Gotham City, il y a le projet ouais, qui arrive. Exactement. Ouais, exactement. Il y a Gotham et puis il a encore un autre album en préparation. Laisse tomber, une machine de guerre. Et comme je t'ai dit, il y a énormément d'artistes qui me sollicitent pour travailler leur titre, leur projet. Et il y a beaucoup de gens qui savent pas en fait. C'est un espèce de ghostwriter. Il écrit en scred, il fait des mélos, des yaourts. C'est un tueur à gages. Et bon, salut H Magnum à l'instant. Il m'inspire de ouf. C'est vrai. Ouf. C'est humainement déjà, c'est quelqu'un que j'aime énormément et artistiquement, c'est très très très très fort. Franchement. Et bon, on va guetter aussi pour 2015. Il y a Siana à guetter, il y a H Magnum qui arrive avec son projet. Siana est avec nous ce soir dans la nocturne. Toujours. Il y a du live qui se prépare. Yes. On va repartir sur une nouvelle sélection. Tout à l'heure, vous parliez de Linda. Linda, ouais, du collectif de chez Watibé. Watibé, ouais. Gros big up à Issam, Dawala et toute l'équipe. On va écouter le morceau qui s'appelle Reste dans quelques minutes. Exactement. Voilà. Magnifique. Il est magnifique ce morceau. Franchement. Il y a le clip qui est dispo sur YouTube, ouais. Sur sa chaîne officielle. Allez cliquer pour aller voir le clip. On le met. Mais juste avant, on repart sur quoi? Sur un morceau du EP? On met un petit coup de Siana? Ouais, un petit Siana. Un petit Siana? Phare. Eh ben, c'est une bonne idée. Parti. Siana. Siana. Si, si. Siana. What's up? Dans les bacs. La nocturne, on est à l'ou quoi? Le 9 mars dans les bacs. Siana, si, si. Le 9 mars dans les bacs. Siana, allez si, le chercher. Siana, si, si. Yes. Franco, c'est comment? Hey. What's up Renoir, à ce qui paraît ça kick sale. Ça perd avant des grandes et des petites salles. Ça part en freestyle, on parie 1000 balles mec. Avec mes rimes, je suis plus de rappeur qu'une mitraillette. Pourquoi tu me parles? On se connaît même pas. On est dans le même freestyle mais on fait pas le même rap. Okay, dis-le, dealer, nous on donne pas notre langue au chat. Tu connais le rap, donc parlons peu mais parlons ça. J'ai déjà plus rien à prouver, le rap m'a déjà saoulé. Vous prétendez faire du lourd mais tous vos sons je les ai soulevés. Yo yo mon négro déstresse, parlons un peu d'espèce. Je monte à l'Afrique, un papé français et petit flow des States. Je fais le ménage. Jamais des balayettes, toujours un couvre-chef, une paire de jojo à millettes. Pour mesurer mon flow, il faut un baromètre. Comment veux-tu qu'on dise ensemble mon négro si t'es pas honnête? On passe le sel à mon pote, même si ça gêne, toi tu galères, on a un salaire au top. On est sur la voie du succès, toi tu t'arrêtes au stop. On est des génies, et à ce qu'il paraît, un choc. What's up? J'espère que vous dansez là. les ai stockés. Le 9 mars dans les bacs. Mais dis-moi qui peut me stopper. 9 mars dans les bacs. Ça fait Tiana, Tiana. Hein, je suis pas névrosé. Je prends flot de rosé. Je viens te tirer la moustache, José. On vient t'arroser, on ne peut pas t'arranger. Je les entends, ces jaloux qui vont dire que j'ai changé. Je fais peur à l'ingé, ils voient la lourdeur en indé. En mangé à peu près tout ce qu'il me faut pour dans 10 ans être blindé. Je rappe comme un queumé. T'as une tête de camé, tu dis partout qu'on se connaît. Gros, je vais finir par te canner. Là, je crois que j'ai gagné. Dunk, je m'accroche au poignet. En quelques années, je vais arriver et tout niquer comme poignet. Je remplis des cahiers. Et là, je crois que ça y est. J'entends plus personne, j'ai fini par les calmer. On s'amène, on passe le sel, mon pote. Même si ça gêne, toi, tu galères, on a un salaire au top. On est sur la voie du succès. C'est toi, tu t'arrêtes au stop, on est des génies. Et à ce qui paraît, on choque. Je les ai mis à la main. Le 9 mars dans les bacs. Si on peut me stopper, j'ai mis leur talent à l'eau. Et classique, je les ai stockés. Je les ai mis à la main. Si Yana, si Yana. Si on peut me stopper, ça fait si Yana, si Yana. What's up, Renoir? À ce qui paraît, ça kick sale. Ça paiera dans des grandes et des petites salles. Ça part en freestyle, on parie 1000 balles, mec. Avec mes rimes, c'est plus de rappeurs qu'une mitraillette. Pourquoi tu me parles? On se connaît même app. On est dans le même freestyle, mais on fait pas le même rap. Ok, dealer, nous on donne pas notre langue au chat. Tu connais le rap? Donc parlons de mais parlons ça. Yes! La nocturne. Linda! Grosse dédicace à ma pote Linda Sherazade et mon grand refrain Issam Djouwa. What's up? Gros big up. Et Dream Food, ramène-nous des chicken là, on a faim. Linda, l'album Papillon arrive. Allez voir le clip sur YouTube. Vraie chanteuse. Très très lourd. J'arracherai moi-même mes yeux pour ne pas voir. Classique. Reste. Big up à Issam, Dawala, Dawa TV Family. Je sais, l'amour yes. Ne s'achète pas, mais je suis prêt à en payer le prix. Porter toutes nos erreurs si tu restes. Combler nos silences, t'attendre avec patience. Crois-moi, j'arrête. Sherazade, bientôt dans les bacs, ça arrive, ça. Reste. dédicace à Dawala. Grosse dédicace à Linda, Issam et Dawala. Linda, Linda Sherazade qu'on écoutait à l'instant. Yes. Il est lourd ce titre. Ouais, gros morceau très, celui-ci. Très lourd. Le morceau s'appelle Reste, c'est ce qu'on écoutait. On fait un bisou à Linda d'ailleurs, c'est si elle écoute. Frissons. Yes, en plus Linda, elle, est, elle fait toutes les premières parties des Zéniths de Black M. De Black M, ouais, exact. Ouais, elle part sur la route aussi, là, je crois qu'ils sont partis. Bah, ce soir, je crois que, ouais, ils sont d'ailleurs en tournée, la soirée, du côté de Brest, si je dis pas de conneries. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, par exactement. Donc voilà, bah, on passe peut-être qu'ils sont là, en train de écouter dans le tourbus. Gros big up à eux. Big up à Black M. Pas que du KRA. Non, au contraire. J'avais pas l'impression. Un peu d'amour. Un peu d'amour dans ce monde de brutes. Il en faut. Beaucoup d'amour. Il en faut beaucoup d'amour. Ça fait du bien. On va continuer avec la sélection avant de passer au live dans quelques minutes. Sienna, alors, une rencontre avec Oli Cizz. Oui, une rencontre particulière. Tu vas dire un mot dessus alors. Ouais. Oli Cizz, c'est un groupe, c'est une chanteuse aussi, Oli Cizz. Ouais, c'est une chanteuse, un groupe qui m'a découvert avec Sienna Arabica aussi, justement. Ah ouais? Et ouais. Et du coup, après, on a été amené à se rencontrer. Et voilà, ça a donné le titre, le remix de Tricky Game que j'aime beaucoup. Et Oli Cizz aussi, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ce soir, je voulais vraiment passer des personnes qui m'ont donné de la force et avec qui je m'entends super bien. Vraiment, voilà, un grand big up à Cécile, à Cécise. Franchement, gros big up. Elle nous a donné beaucoup de force. On a fait un zénith avec elle. Ouais, on a Taratata, elle nous a ramené au Solidez. On est monté aussi sur scène avec elle. Bon, je crois 6-8 000 personnes. Donc un bon coup de pouce, quoi. Ouais, ouais, franchement, ouais. Elle est vraie. Elle est vraie de vraie. Franchement, elle est encore plus authentique que certains rappeurs. Ouais. Comme j'ai dit, des meufs. Bon, en même temps, le rap, elle connaît, hein, dans la famille. Ouais, elle connaît. Il y a le frangin qui est Rockin' Squat. Exactement. Ouais, exactement. Grosse dédicace à lui aussi. Et Vincent Cassel. Et Vincent Cassel, ouais. Bon, qu'on présente plus, hein. Voilà, exactement. Ouais. Et lui, voilà, qui fait en effet partie de toute cette première vague hip-hop. Moi, je me souviens, je sais pas si vous avez vu cette vidéo où il faisait du beatbox avec Joey Starr. Si, bien sûr. Une vieille vidéo de l'époque Stalingrad. Bien sûr. Ouais. Même les premiers morceaux avec Rockin' Squat, là, chaque bande, il me témoigne, je suis en train de faire mon timer. Ah, il est puriste, là. Voilà, mais il a raison, mais vas-y, c'est un petit peu d'histoire, tu as raison. Un peu d'histoire, attends, l'époque où Rockin' Squat, bah, avec NTM, quand ils avaient fait leur premier clip, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Ça faisait, si tu te fais pécho avec un pendigramme de hashish, tu es vu comme un délinquant, un criminel aux yeux de la justice. Tu te rappelles de ça? Bah, bien sûr que je m'en rappelle. Attends. Pourquoi ils rigolent les deux? Ils rigolent parce qu'ils connaissent. Pourquoi ils rigolent? Moi, j'étais pas né. Pourquoi ils se foutent de nous, les deux, là? De nous. C'est quand la nocturne de Seven? Seven, tu vas venir pour une nocturne spéciale. Voilà. Spéciale classique, tu vas venir, Seven. Ouais, franchement, Prochaine nocturne, tu vas venir, tu viens avec tes sons, on va mettre ça, on va se mettre bien. Voilà. L'invitation est lancée. Vas-y. Voilà, on est parti avec Oli Cizz. Oli Cizz, yes. Tricky Game. Grosse dédicace à Paul aussi qui bosse derrière, ouais, dans l'ombre. Paul Melkis. What's up? Cécile, grosse dédicace à toi, j'espère que t'écoutes. Sienna, you. You locked in yourself, pretending to be deaf. You play a tricky game. I'll not fall into your trap. I know you by heart. To break my nerves, you're sharp. What's up? J'ai capté ton CV. Tu pourras plus me la faire. Toujours les mêmes propos, toujours les mêmes skeddies. Mais tu veux pas lâcher l'affaire. Avec nos conneries, on s'approche de l'enfer. Yo, je sais plus comment faire et je sais plus comment être. T'es tout ce que j'ai de plus cher. Pour l'instant, tu m'entêtes. Ton silence me tue et pour la suite, je m'inquiète. Pour ça, on a trop perdu de temps sans se dire ce qu'on voulait. Ce qu'on a bâti ensemble est en train de s'écrouler. On a trop perdu de temps sans se dire ce qu'on voulait. Le le silence, dis-moi le fond de tes pensées. Les sentiments valent cher que lorsqu'ils sont dépensés. Hein, l'alarme est déclenchée. Tu que ma fucking game, c'est délicat en français. Tu veux jouer, on va jouer, mais sois sûr de perdre. Resterai debout jusqu'à ce que tu mettes genoux à terre. À ton charme, j'ai cédé. On a tout le temps pour s'aimer. On récolte ce qu'on a semé. Moi, je ferai tout pour t'aider. Hein. Si tu t'y mets à fond, on vivra le parfait amour sans parler de passion. T'es pas un mauvais garçon, t'es pas une mauvaise fille. À force de trop jouer, tu vas baisser dans mon estime. On a trop perdu de temps sans se dire ce qu'on voulait. Ce qu'on a bâti ensemble est en train de s'écrouler. Tricky Game, grosse dédicace à Oli Seas, toute son équipe, à Paul aussi, on l'oublie pas. Au ça. Planète rap, 100% rap français. Alors là, j'espère que t'écoutes toi. Alors lui, Mani, ça c'est Mani, yes. Bandi. La plupart connaissent Mani, gros artiste, voilà. Très talentueux. 2015, vous allez découvrir des choses. Grosse dédicace à toi mon frérot. J'espère que tu te portes bien. J'ai la dégaine de Bandi. J'ai la dégaine d'un petit bandit. Viens voir là où j'habite. Au lieu de nous juger, la bine ne fait pas le moins d'angle. Balai avec des préjugés. Sur être casquette TN. Casquette TN. On se lève à 2h de l'après-midi. Réveillé par un KTM. Pas de taf dans le ghetto. Pas de taf dans le ghetto. La maille on en veut trop. On en veut trop. Tu peux garder ton smic. Gardez ton slip. Autant vendre du smi. Ouais c'est trop tard pour se lever tôt. Partout c'est la même merde. À quoi ça mène? Vendez la mêle. Guetteur crie. Si les flics ça mène. Je veux pas me faire péter. Passer à la table. Qui m'arrêtera? Mais traf je laisse pas d'entraîne. Ils peuvent suivre à la tasse. J'arrive dans le game. Moi je fais mes bails. Ramasse le blé. Les laisse sur la paille. Je joue pas les champions. La seule coupe que toi. Tout le monde sait que c'est que ton verre de champagne. Verre de champagne, verre de champagne. Joue pas les champions, la seule coupe que t'as. Tout le monde sait que c'est que ton verre de champagne. Y'a ce qu'on dit. J'ai la dégaine d'un petit bandit. La dégaine d'un petit bandit. J'ai la dégaine d'un petit bandit. Le clip est disponible sur YouTube. Allez cliquer. Jamais à la one again. Jamais à la one again. J'ai la dégaine d'un petit bandit. Y'a ce qu'on dit. J'ai la dégaine d'un petit bandit. La dégaine d'un petit bandit. J'ai la dégaine d'un petit bandit. Suivez-le sur Twitter, Mani officiel 1. Sur Facebook, appelle-moi Mani. J'ai la dégaine d'un petit bandit. Mani à fond dans la caisse, je suis le meilleur. Même les grands t'attestent la tête. Je décapite tout le monde, du rap, plus tête à tête. J'attends pas ton ami pour faire ta fête. C'est comme ça que ça se passe dans la zone. Dans nos favelas, y'a que des favelas. Tu trouves à tout, mais sûrement pas ta bella. Y'a que des meufs comme Ayem. Des meufs comme Ayem. Sans parler Porsche Cayenne, elle va te michetonner, faire partir à Yep. Monter dans Gamos, bébé, je suis pressé, je défends mon terrain comme Sergio Ramos. Tu verras en été, arrose ma dosée, marre des tracés. On se prend tout permis comme dans GTA 5. Arrose ma dosée, marre des tracés. On se croit tout permis comme dans GTA 5. Ça parle de braquage. À n'importe quel âge, il sort tes outils. Femme mascalage, c'est la routine. Sur une chaîne, on te marave. Mani, what's up? Sur une chaîne, on te marave. Chez moi les petits pimous, les petits pimous, ils arrachent. À ce qu'on dit, j'ai la dégaine d'un petit bandit. Allez cliquer sur YouTube, je compte sur vous. C'est la famille, c'est le frérot. Jamais à la one again. Jamais à la one again. J'ai la dégaine d'un petit bandit. À ce qu'on dit, j'ai la dégaine d'un petit bandit. La dégaine d'un petit bandit. J'ai la dégaine d'un petit bandit. Il arrive, c'est le prochain sur la liste. Jamais à la one again. Et il va pas rigoler. J'ai la dégaine d'un petit bandit. Aïe. La nocturne. Oh, tu me régales, Mani. Sélection de Sienna Mani à l'instant. Ouais, le frérot, franchement. C'est le prochain sur la liste. C'est le prochain. Ah ouais. En fait, Mani, il vient du sud, il sort de nulle part, mais il va être partout bientôt. Eh ben, on va guetter ça, donc Mani. Yes. Allez, allez suivre Siana avec nous pendant encore quelques minutes. Siana, on va conclure avec le live. Est-ce que tu es prête maintenant? I'm ready. Est-ce que tu es prête à kicker? Toujours, toujours. Ah, ouais, t'as raison, mets-toi debout. C'est parti, on y va en attaque? Yes. Session freestyle dans la nocturne. Le 9 mars dans les bacs, ça fait. Grosse dédicace à toute ma ville. On est à Aloukoua. Dieu, ça fait. Yo, j'suis back-back, tu black-black. J'rappe, tu fais les back-back. T'as le flow d'un dernier pack-pack. J'me déplace en jet back-back. Bitch, bitch, c'est un big deal. Dream Chaser, Mick Mill. J'répète, c'est un big deal. Sur la prod d'MC, j'en nique mille. Dédédégaine, laissez parler les mains. Tes ladies sont pétées, laisse rapper les miennes. Tu m'entends du rapper, t'as crié amen. Tu connais des rappeurs, j't'en prie, ramène. Pas le temps de parler, je prends place dans l'arène. Fallait du nouveau dans le rap, je l'amène. Que tu sois là ou non, toute façon, c'est la même. J'suis venu, j'ai vu et j'ai foutu la merde. J'arrive très bientôt, fais gaffe, je préviens pas les MC. Poussez-vous et puis poussez les portes. Je ramène du flow, j'ai sorti la AK. Allez-y, couchez-vous, j'ai choqué mon époque. Prévenez vos potes, remontez vos frottes. Désormais, tous ceux qui parlent mal, on les fuck. Stop. Ils m'ont certifié que c'est vrai qu'on les choque. Chaque jour, je me lève du pied gauche pour être sûr de rapper vénère. RIP à tous ces MC dont la carrière est éphémère. Et ouais, mec, tu es la preuve vivante que en province, ça rap sec. T'es vénère, j'ai plus d'inflow sous ma casquette. Comment faire du bon rap? Faut juste me demander la recette. Évite de me casser la tête. À mes côtés, y'a l'homme 7. Un Bélec, pousse-toi. J'ai le revers de Nadal. 19 piges, mais dans le peur. Les MC m'appellent madame. Normal, ils voient que je kick et que je le fais à fond. Attention, je suis le porte-parole de toute une génération. Félicitations sans prétention. Mon flow frise la perfection. Tu dois reconnaître que je suis la règle qui confirme l'exception. Où ça? Le 9 mars dans les bacs. Ça se passe le 9, lundi. Allez le chercher. Des gens préco sur iTunes. Elle s'appelle Siana. Yeah. Bouna, c'est comment? Elle déboîte Bouna, tout. Ça arrive. On est à l'ou quoi? Creil, Beauvais, Compiègne, Six Bull, Dieu, Hicham, Sophia, ouais. On est à l'ou quoi? Dieu, le 9 mars dans les bacs, ça fait. Le 9 mars dans les bacs, ça fait. Yo. J'suis en place. Depuis le début tu constates. Quand je commence à kicker, poteau tu causes app. Toujours appliqué, t'inquiète, tous mes couplets sont intacts. Tes mains impactent, j'suis toujours un pec. J'ignorerai jamais de pack, même pour un gros chèque. Tu m'attaques au AK, on sortira les roquettes. J'te parle pas de chirurgie quand j'te dis que j'suis refaite. Ok. C'est pas grave, on va recommencer ça, au calme. Dieu, je vous ai dit ça se passe le 9 mars. What's up? What's up? Yo, j'suis en place. Depuis le début tu constates. Quand je commence à kicker, poteau tu causes app. Toujours appliqué, t'inquiète, tous mes couplets sont intacts. Tes mains impact, j'suis toujours un pec. J'ignorerai jamais de pack, même pour un gros chèque. Tu m'attaques au AK, on sortira les roquettes. J'te parle pas de chirurgie quand j'te dis que j'suis refaite. Ok, c'est maintenant. Je vais leur montrer qu'il est temps qu'ils me prennent au sérieux. Capable de critiquer mais incapable de faire mieux. Avant de l'ouvrir, faut apprendre à la fermer. Des lyrics dans le cerveau, difficile à cerner. Quand se pose un truc de malade, ils veulent tous m'interner. Ce que vous faites c'est pas mal, perso ça me bluffe pas. On vient remettre les pendules à l'heure du Six Bullo 9-3. What's up? Dieu. Le 9 mars dans les bacs, allez tous le chercher. Ouais, merci. Déjà dispo sur iTunes sans préco. Merci à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui envoient des messages sur Twitter, Facebook, partout. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe qui travaille avec moi, qui a travaillé sur ce projet. C'était Siana. On est à l'ou quoi ? Dans la nocturne 100% rap français. Merci Siana. Merci à toi Fred. Passez un bon début de soirée avec nous. Ouais, c'était Marcel. Et bah, l'aventure continue. Je te souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2015. On rappelle en effet 2-3 trucs que dès lundi, il y a la sortie de Siana, le EP qui débarque. Yes, lundi dans les bacs. Voilà, je compte sur tout le monde pour aller le chercher. Il est pas cher, il est au prix d'un sandwich, hein, 5 balles, 5 euros. À que gré. Donc voilà, faites pas les pews, comme on dit, faites pas les pinces. Allez le chercher, c'est franchement en plus, c'est une jeune artiste, elle a à peine 19 ans. Ah, t'as 19 piges, toi? Ouais, j'ai 19 ans. Elle a que 19 ans. T'as cru qu'elle avait quel âge? Non, pas plus, mais 20, 22, quoi, un truc comme ça, non? Voilà, 19 ans, voilà, elle a été validée par les plus grosses têtes, voilà, du rap français actuel. Elle est validée aussi par, voilà, un autre public qui est pas forcément rap. Et franchement, c'est bien, c'est une sacrée ouverture en tout cas, c'est ouais, ce qu'on voilà. disait. Et ce qu'on a pu écouter avec Olysses tout à l'heure, voilà, c'est bien aussi d'avoir d'autres ouvertures et d'aller dans d'autres domaines aussi de temps en temps. Et il y a des personnes qu'on voulait aussi remercier. Ouais. Saïd Tagma, oui, qui nous a beaucoup aidé dans le parcours de Siana. T'as Amel Chabi aussi. Yes. Qui nous a donné beaucoup de force aussi. Ahmed Silla, il y a Sambou Yatabaré, les frères Yatabaré aussi, Moussa Sissoko, Mehdi Benatia, toutes ces personnes. Fabrice Eboué. Ouais, franchement. Et Sandrine Renser. Et Sandrine Lamire. Bisous à William. Eh ben merci Alex, à vous tous en tout cas. Alex, et grosse dédicace aux personnes voilà qui m'entourent et qui sont avec moi tous les jours. Merci beaucoup franchement Sania, je pense à toi, gros bisous à toi, gros bisous à toute la famille et merci beaucoup. Et voilà. Jean-Jacques. Et comme on dit, allez Paris, voilà, 75, big off à tout Panam. Yeah. Bien, voilà, on dira pas le, voilà, un petit coup. Moi, j'ai fait une dédicace à son père. Bah oui, exact. Non, Jean-Jacques, dédicace à mon papa, à ma maman, à ma petite sœur, à la famille. Tout le monde. Franchement, je sais que je vais en oublier, mais je dédicace toutes les personnes qui m'entourent. Que Dieu vous protège. Voilà, là, on arrive avec un EP, Siana. C'est le 9 mars. On a vraiment hâte de vous faire écouter l'album par la suite parce que franchement c'est vraiment autre chose. Là on arrive en mode kickage, il y a 2-3 titres dedans où il y a du thème, mais pour la suite vous verrez c'est vraiment. Et ben on attend la suite avec impatience et puis donc là dès lundi allez vous procurer Siana ou maintenant allez cliquer hein, si Siana vous a convaincu, il faut cliquer maintenant. Ouais. En précommande. Merci beaucoup, Siana. Merci à toi, Fred. Merci, Fred. On se retrouve en première partie de Sopra à partir de mardi à Toulouse. Ouais. Et puis toutes les dates sont sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous. La Nocturne continue encore pendant une bonne heure. Yes. 100% rap français. Eh, passe à son de Seven, s'il te plaît. Seven, on va faire mieux. C'est bon, le rendez-vous est prêt. On va grosse dédicace à Fanco. On va s'organiser une nocturne entre, voilà, classique. Voilà. Il va venir avec ses vinyles. Voilà, mais exactement. Il va venir avec voir des cassettes, n'hésite pas. Voilà. Fred, non, mais tu vois les petits comme ça, là. Oui, c'est arrogant. Tu leur apprends à marcher dès qu'ils commencent à courir un petit peu, tu vois, ils s'envolent des ailes. Si t'es gentil avec moi, j'ai une exclue dans le discours. Non, y a pas d'exclue. Grosse exclue. Non, Seven, le retour de Seven. Attends. Le retour de Seven, ok. Non, mais jamais. Bon, t'inquiète, Seven, on s'organise ça. D'ici la fin de saison, on se fera une petite nocturne classique avec toi, t'inquiète, promis. Avec plaisir. C'est noté. Allez, ciao. Ciao, passez une bonne soirée. Le son continue de la nocturne 100% rap français. Planète rap. 100% rap français. Back to the future. Allez, c'est reparti pour son de la nocturne 100% rap français. Ça a débarqué cette semaine. Le son de Caris avec Futur, Grosse Tuerie, Cristal. Après, il y a Cynic, nouveau son de Cynic aussi. L'album arrive le 13 avril. C'est la nocturne 100% rap français. I'm a hood nigga straight out of motherfucking gutter, I serve a whole bell. Motherfucker, they police, nigga, my nigga, they shootin' that 12, nigga, shootin' that police. J'me dévais de l'écalage, ni coffé. J'me balade au cimetière avec mes trophées. Je fume un joint de bœuf pour me doper. La guerre, on va la faire, y'a R, je suis OP. J'leur pisse dessus comme sur une aire de repos. Les couilles se voient, même de dos. Balais, t'entraînes, tu pas ton topo. Ici, tous les coups sont vrais, t'es pas heureuse, beau. Ceux qui te touchent ne m'effleurent pas. J'rentre dans le carré comme Bobby Shmurda. AK chargé, et tu smurfras. Cristal que crache, mélange dans la cuisine. Tes impôts ton legging, sur le siège chauffant, ce n'est pas un leasing. Mon gang est sur le listing. Tu m'attaques, il paraît. Rafale et ta chatte disparaît. J'augmente la dose dans le trafic. Et la criminalité sur le graphique. Même dans la saleté, faut que je m'applique. J'fais des hat-tricks, je viens d'Afrique. J'prends le pouvoir comme Napoléon. Roi soleil éclairé par les rayons. T'es ébloui par mes clénons. La gifle te donne le courrier. I want these bitches gon' tell. We don't trust no shit around none of these bitches gon' tell. Here you go. I'm a hood nigga straight out of motherfucking gutter. I serve a whole bell. Motherfuck these police, nigga, my nigga, they shootin' at 12. My young nigga. Motherfuck these police, nigga, my nigga, they shootin' at 12. My young nigga. We don't carry no sticks around none of these bitches gon' tell. These bitches gon' tell. I'm a hood nigga straight out of motherfucking gutter. I serve a whole bell. Got the Miley, got white, got the lean, got the kush, got the purple and the kill. My young nigga. Dans le bunker comme Oussama, Psycho Gun, Rayon Gamma, tout droit, direct comme Otama. En même temps que la Jordan annonce Blue Gamma. Depuis vendeur de nana, organisé comme le Fatah. Des forailles, tous ces bâtards, je les mange en steak tartare. Tu veux rapper comme moi, t'es cloné. J'fais du liquide, de la monnaie. J'passe devant toi, t'es sonné. Tout se passe sous ton gros nez. J'suis pépère, BTTF, Zanotti. Arme de guerre, j'possède toute la panoplie. I won't trust these bitches.

je vais tout piller. Dis pas que t'en as rien à foutre de briller. Tu crois qu'on pense à toi ou t'as oublié? Qu'on soit au palier, Hasso, je m'en bats les clés. Oui, mon ami, tant qu'il y a mes billets. Dis à ta salope de se rhabiller, d'aller niquer sa mère, toi aussi, tant qu'on y est. Si tu te prends pour nombril du monde, on baissera ton monde par le nombril. Ils vendent des rêves pour vendre des disques. Et là, elle les suit, moi j'ai rien compris. Imbécile, c'est bien moi qui tiens la notice. Ferme ta gueule et fais de la musique. Toi, tu vas tirer sur personne ici. Arrête tes sottises. T'es dans tous les grands tournants, je suis dans tous les grands tournois. T'écris des textes avec la main droite, pendant que la gauche veut se branler sur moi. Ouais, meurtrier commanditaire, ouais. Repère au moins solidaire, ouais. Faut que la crise identitaire, les petits sont plus armés que les militaires, ouais. Je vois des sons défense sur terre, prise de soin et des salivaires. Y'a que nos biens, nos billets, nos femmes qui vont nous tenir au chaud cet hiver. Militarisé, c'est miné par ici. La ville est amusée sous l'effet de la résine démoralisée. Je me délocalise, fini de s'alcooliser jusqu'à paralysie. Ouais, militarisé. Bien S-U-R-N-I-R-G-R-A-D-U-R. Pour tous nos gars, bien S-U-R-N-I-R-G-R-A-D-U-R. Pour tous nos gars, bien S-U-R-N-I-R-G-R-A-D-U-R. Pour tous nos gars, bien S-U-R-N-I-R-G-R-A-D-U-R. N-I-R-O. Le Niama ne peut pas tuer le Zoba. Le Zoba ne peut pas tuer le Niama. Ah, mes Congolais, j'ai vu ta main là-bas. Ça, Planète Rap, la nocturne. C'est la nocturne 100% rap français avec Sneezy du groupe 1995 qui arrive durant cette année 2015 en solo. On va écouter l'intro de ce projet qui se prépare pour Sneezy. Derrière, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 commandements de DC's. Et puis Giorgio, écoutez. Something about the game that people want to know, but I just look away. It's real. Yes, I know it's real. There's something about the game that people want to know, but I just look away. Sont devenus les gens qui me disaient que j'étais foutu. Aujourd'hui ils m'écoutent ou s'ils se sont fait péter le trou duc. Je te fais le débrief, j'ai 22 piges, j'ai les poches pleines de bif. J'évolue, j'ai résolu tous mes problèmes de MIFA. Sprinté, sprinté. Sachez que la vie c'est une course de fond. Je prendrai tant qu'il faut, mais quand j'y resterai pour de bon. Ils parlent de s'en sortir, se branler, se vendre dans le vide. Manque d'envie, je vais les endormir. Des idées, j'en ai encore mille. Oui, sur vous, je me pavane. J'ai surtout trop de panache. Habitue-toi à ma ganache, bâtard, je suis là pour 130 piges, vous voyez moi, car je ne tutoie que des sommets de moquer. N'essaie pas, réveille-toi si tu crois que j'ai sommeil. Je vis dans un monde utopique, je suis là pour faire du profit. Je me fends la poire, ils veulent prendre ma place, mais c'est perdu d'office. Fais la bise même à ton ennemi, je connais les rouages du métier. Certains sont fans de moi et d'autres n'ont pas le courage de m'aimer. Yes, I know it's real. There's something about the game that people want to know, but I just look away. It's real. Yes, I know it's real. There's something about the game that people want to know, but I just look away. Yeah. Y a pas d'amour entre nous, donc laisse les dessiner des cœurs. Je fais des heureux, je fais des euros, je me fais désirer des heures. C'est même époustouflant, souvent vous avez tous tout faux. Je m'en bats les couilles des anciens comme je m'en bats les couilles des nouveaux. Coup de couteau, trop de catins dans mes patins, de gros tapins. Donc je les baisse tous haut la main, je suis forcé d'être un chaud lapin. Je crois que c'est l'heure, je vais leur montrer toutes les étapes. Ils ont 10 ans de plus que nous, je doute qu'ils aient monté tous les étages. Vous avez beau être 800 ou 1800, échec cuisant, Dieu est tout puissant. On est tous ses esclaves. Je suis pas là pour sympathiser, m'affilier avec ses schlags. Valider leur taf de merde, c'est pactiser avec le diable. J'ai un ego surdimensionné, je me mets sur un piédestal. Quand vous m'aimez, vous ne m'aidez pas. Vais-je rester stable ou devenir détestable? There's something about the game that people want to know, but I just look away. It's real, yes, I know it's real. There's something about the game that people want to know, but I just look away. Sur Skyrock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les 10 commandements du MC. MC, MC, check. MC. D-I-E-S-E-L. 1, D-I-S-I-Z. 1, check. Le thème précis, les 10 commandements du MC. Le même thème que Biggie Small, a.k.a. l'instru et la chaussure. Le flow, c'est le pied. Le rap, c'est binaire, rentre pas terrible aux choses. Mais y'a des MC qui par le rythme se font déborder. Quand je les entends, j'ai envie de les déborder. Travaille ton flow, MC, travaille ton flow, gros. Le rap, c'est de la musique, c'est pas des gros mots. 2. Le deuxième commandement, c'est les textes. Raconte-moi quelque chose, mets-moi en plein dans la tête. Parle-moi de ta thèse, de ta tente, de tes dents, rien à foutre. Si tu me parles d'aura, je veux voir qu'il y a la foutre. Travaille tes punchlines. Sors-moi des slogans, pas ceux qu'on met sur un t-shirt, ceux que les gens commentent. Exemple. Pas d'application iPhone pour le flow. Tu dis one for the money, mais c'est tout pour de faux. 3. Choisis bien tes instrus. Le rap c'est minimal, faut pas qu'il y ait 15 trucs. Si ta prod est naze, t'as raté dès le départ. 1000 E pour cette prod, putain, tu t'es fait bébat. Si t'as pas d'oseille, déchire des phases B. Les mecs qu'on l'oreille vont te remarquer. 1. Fais pas l'ingrat, la moitié c'est la prod. Règle d'or du MC, c'est kicker à la prod. 4. Tu l'as ou tu l'as pas ce commandement. Ça se trouve pas, tu l'auras pas, même en commandant. Le MC a du charisme, des gestuels du style. Sa naturelle attitude s'imprime dans la rétine. Au fait, en passant, y'a pas de refrain. J'fais ce que j'veux, c'est mon son, on m'impose rien. 5. MC, maître de cérémonie. Ça veut dire ce que ça veut dire, donc c'est toi qu'anime. Ton but, c'est la foule, l'auditoire. Obligé, l'ambiance est folle après ton départ. La scène, c'est la reine, ton coliséum. Peu importe où t'es, Maximus, tu dois faire tomber Rome. 6. Un quartier, un milieu, une source, une ville, un endroit. MC, tu viens d'où? Parle-moi de chez toi, ton slang, des expressions, ton argot. T'arrives comment dans ce game? Ton environnement, ton phare. 7 éléments de grande importance. C'est qui ton entourage? Dis-moi, c'est qui tes gens? Des 10 gens déguisés en Kaira là que pour l'argent? Ou des puissants, discrets, des gens intelligents? Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai comment tu rappes. Hein. Ou tôt ou tard, comment tu te feras maquer? C'est juste des potes ou ils ont des postes précis? 1. Fais le ménage, sinon tu te feras arnaquer. 8. Apprends à parler d'argent, t'es une rap machine. Si t'es arrivé jusque là, t'es une cash machine. Si t'es produit par de l'argent sale, t'es une wash machine. Bellec, à pas devenir juste une machine à fric. L'oseille, c'est après, là, c'est le business. Combien vaut ton blaze, MC? Combien tu pèses? Fais gaffe aux avances, en fait c'est ton argent qu'on donne en avance, technique de charlatan. Fais gaffe aux démons, à la fièvre de la signature. Aujourd'hui t'es big, demain t'es miniature. Vaut mieux une petite maison ou bien une grosse voiture. Si t'es bon t'auras les deux, mais ça se conjugue au futur. Le problème du MC c'est qu'il confond ses vies. Il veut clipper sa vie et vivre comme dans ses clips. 9. Frérot, frérot, mets à gauche. Retiens qui a fait quoi, qui te vide les poches. Les impôts c'est la mafia, ils te menacent. ATD, ATD dépens, donc joue pas au con. Fais gaffe, ATD dépens. Pense au cash, pense au cash. Les vrais savent, les impôts croient que tu joues à cash-cash. 10. Une mesure de silence pour la concurrence, c'est une donnée nulle. Elle t'influence, t'es mort. Garde ta cible, MC, le reste c'est du décor. Le rap c'est du contest, chaque couplet compte. Tu peux complètement prendre un truc qui change ton monde. Et si ça marche, tu verras le monde qui change. Au départ t'es dans ta chambre, à la fin la foule qui chante. Dernier commandement, les jaloux ne se gèrent pas. Les petits tu les ignores, les pires tu les combats. 100% rap français. Planète Rap. La Nocturne. J'ai jamais fait la coupole, je connais les coupes gorges. Les halls qui se transforment en Woodstock, les bavures, les keufs qui mettent des coups de crosse. Du rap qui transpire la haine, sort d'un phone, un spliff, un fond de flash. Ma daronne a accouché d'un fils indomptable. Sous ma capuche et la grisaille, les petits parlent de flingue. 16 ans, j'écoute flaque de somme, je rêve d'une Puy 80. J'ai plus le temps ni l'envie de traîner dans mon checker. Faire le million avec le Z, là c'est comme voir Diaby en G-Star, ça à l'ancienne. On y pense plus trop, tout comme les rêves brisés. Surtout quand je vais mal, les soirs où je fais teaser. C'est pas qu'une impression, les études m'ont bien eu. Pourtant dans mon vécu, y'a l'amour, la musique avant la rue. Si ça sent le soufre, c'est que je connais les darons au parlu. Je vais pas te raconter mes conneries, quoi que mes parents n'ont pas su. Pas de message pour mes sœurs, juste de l'alcool dans foi. J'emmerde le monde, donc ramène ta cité devant moi. Je vais tous me les faire, je rappe comme personne. J'attends pas de billets verts, mais en concert, ma voix c'est un compète. J'ai pas déçu les frères. Quelques potos en HP, quelques potos en zonzon. Enfoiré, je suis l'enfant seul, j'aurais pu goûter la pension. Connerie sur connerie, je suis manie comme je suis Tony. Si tu connais le rabat, tu me connais, je suis le plus connu des inconnus. Comme Coma, je rappe la rue, je rappe la vraie. L'amertume qu'on va soigner au Jack Daniel. Ah bah ouais, tu croyais quoi, les alcooliques mélancoliques? C'est la détresse du samedi soir, comme la jeunesse qui crame son shit dans un petit square. On s'appauvrit, on fait le monde sous quelques pierres. On pleure nos frères toujours en retard, de la photo RER. Y'a les potos qui deviennent pères, les enterrements c'est embêtant. Tu pleures le soir, plus lunatique qu'Ali et Bouba en même temps. Et le 7 janvier 2015, la France s'indigne. Un jour ou l'autre ça va péter, tel des grosses fesses dans un legging. Et si les poulets me questionnent, je leur dirais que je suis pour la paix. Même si j'ai cramé la France lors de ma tournée d'automne. Ça t'étonne, je parais sage, mais passe à Paris Nord. Respecté par les grands et par les braves. Dans un fan, mon son résonne, mandat à scan. H24 sur l'asphalte, on a fait le tour du périph. De la funk à la radio, je suis pas de ceux qui basent la coke dans le lavabo. Je suis pas de ceux drogués, paralysés, ouais qui en deviennent parano. Qui sont seuls avec leur tête et qui sont soulevés par la rue. Ça t'amuse mais c'est pas drôle, on peut te masser jusqu'à ce que t'appelles le SAMU. Je passe le salut aux miens qui viennent me voir en concert. Je finis bleu noir et les autres vont prendre l'eau. Nager jusqu'en Angleterre, qu'est-ce t'en dis, je fais du bon rap. Je reste le même et je suis gentil, ouais je suis vrai dans mes paroles. Indépendant comme Gandhi, sans qu'à mes épaules, Laura et Flav sont pas très loin. Ça fait un pour ma province. Donc deux pour mes parisiens et on me dit nique ça. Envoie des rimes sales. J'ai toujours autant la dalle que quand je paiera. Avec Anissa au Limsa. Je passe au PM et je mets un billet sur Bazière. Car dans mes poches c'est le bazar. Et faut se mettre bien pour l'avenir. Toujours une pensée pour niquer au placard. Ramener mon phrasé sur les ondes. Je vais infiltrer vos réseaux, n'ai-je pas raison. Rapper mon malheur c'est mon domaine. Dans la tristesse je suis un taulier. Mais je suis qu'un homme, je suis pas parfait. Me parle jamais d'apogée. Si tu participes à Bleu Noir, fais avancer le mouvement, c'est la victoire de la musique. C'est pas qu'une histoire d'argent. En gros vous êtes mes producteurs. C'est pour vous, c'est pour en bas. C'est du bon rap qui restera toujours populaire. Beaucoup trop de mesures de rage. Et je l'entends tourner la page. Retourne à la rime de tube, le noir je le ferai avec le cœur, motherfucker. Retourne à la rime de tube, le noir je le ferai avec le cœur. Octobre 2015 dans les bacs, si tout se passe bien. Giorgio dans la Nocturne 100% rap français. Il y avait DC's aussi et la Nocturne 100% rap français avec vos messages. Merci à vous tous de suivre, de rester là, de veiller tard. Ceux qui sont encore en vacances et qui peuvent prolonger ce week-end. Les autres qui débutent peut-être le week-end avec le son de la Nocturne dans la voiture. 41759, le hashtag Skyrock. On va écouter Monsieur Abou de Bang dans un instant avec son morceau. Et là, juste avant, c'est Youssoupha. Youssoupha et Ayo, Love Music, l'album, ça se précise, hein, ça arrive. 18 mai pour Négritude. La planète rap. Nocturne. Sur Skyrock. Nocturne. Yeah, c'est ça même. Love is the answer, love is the key. C'est ça même. Love is the answer, love is the key. C'est ça même. Love is the answer, love is the key. Et pourquoi on s'élimine 7 milliards d'ennemis, Ayo? Love is the answer, love is the key. C'est ça même. Love is the answer, love is the key. Et pourquoi on s'élimine 7 milliards d'ennemis, Ayo? Why can't okay. you love me? Yeah, puisque l'amour est essentiel, donne-moi un seul, je te rends deux. J'ai tant reçu du ciel, tu sais, pourtant j'en demande peu. Y'a pas de plus belle punchline, ma sœur demande-le. Que de dire bismillah avec le cœur devant Dieu. Mon fils a de grands yeux, je fais l'effort d'un monde parfait. Pour que jamais il confonde ceux qui parlent fort et ceux qui parlent vrai. M'abandonne pas au frais, t'as l'air sournois. Les gens qui me connaissent le moins sont souvent ceux qui parlent le plus sur moi. Donne-moi le mic homie, donne-moi ton mal chronique. Donne-moi tes larmes et je m'alarme comme un alcoolique. Donne-moi ton arme et je suis

ça morce le délire. Des mots accusateurs pour les rappeurs, j'en retrouve 10 000. C'est vrai qu'on touche le fond, j'ai ce bouffon de Morandini, mais sans rancune. De ma plume, je connais le tarot. Et la droite se déchaîne, m'affiche à la une du Figaro. Encore un article pour faire mentir le baromètre qui me confirme que certains journalistes de merde sont malhonnêtes. Nous sommes pas du même monde, l'hexagone va mal. Mais j'espère pas que mon prénom vous a subitement appelé, celui de Fofana. Et la police aboie pour que le tribunal me morde. Ça suffit pour qu'un juge m'inculpe pour menace de mort. C'est yeah, ça, mec. Il est grand temps, ça déménage. Il n'y a jamais de danse irrémédiable. Yeah, les sentences sont inégales. Je fais du rap et ce que t'entends est illégal. Yeah, il est grand temps, ça déménage. Il n'y a jamais de danse irrémédiable. Yeah, les sentences sont inégales. Je fais du rap et ce que t'entends, bien sûr, il y a de la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Il y a de la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la fille que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Il y a la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la fille que l'on nous propose? Je plaide la légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Il y a de la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Il y a de la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Noir Désir. Yeah. Oh, j'dors les yeux ouverts. J'parle avec les esprits. J'ai fait souffrir car j'ai souffert. J'ai fait des erreurs, aujourd'hui j'en paie le prix. J'suis bon car à plus que j'suis. Mes raisons, mes torts, c'est ça être vrai, gousse. Et foutre des fous dans mes clips que moi-même je ne voudrais ni comme sœur ni comme épouse. Fou parmi des cons. En vrai, j'sais même pas dans quoi j'suis. C'est pas ta critique. Si j'les laisse ouvrir leur gueule, c'est juste que j'aime savoir dans quoi j'suis. J'lâche des perles en studio, mais j'crois que l'industrie n'y voit que j'suis. Et ma voisine du dessus me regarde comme si j'étais un frère, quoi, chie. On apprend à se faire tout seul, vu que le système nous néglige. Deal en croyant être scred alors qu'on se fait remarquer comme une pute dans une église. J'rappe pour mes rapsous, j'rappe pour mes niggas, plaque blanche ou beurre, j'les aime tout du moment qu'elles remplissent leurs leggings. J'ai l'inspire à Tupac, flow, sale comme l'argent de la bigrave. Frais dans les clips à t'en faire croire qu'être négro en France n'a jamais été un handicap. Oui, j'ai signé, j'vais les saigner. Tout ça n'est qu'une affaire de France. Cher le cap, je me mets à nu, mais je suis pudique, un peu comme une actrice X en icab. Certains haïssent, certains m'aiment. Parle-moi Khalis ou nique ta mère. Je veux somme sur somme, je vais tout provoquer. Pas dans mon dessus de l'homme, sauf dans les pornos gays. Igo, je vous avais prévenu en 2015, vous allez manger du dos-dos. Perestroïka, 16 mars dans les bacs. C'est un bordel, Hugo. Va le chercher ou on vient le chercher. Casse les dents tous les checks de ma ville. Des sales monagones là. Des blocs à ce soir. De rifle à Saran. Saint-Marceau, Bré-Saint-Jean. La Madeleine, les chaises. Etc, etc. Yeah. A tous mes riffis qui ravitaillent le secteur en taga. A mes Tounsi, mes DZ. À mes cultures, mes Tchétchènes, Sénégal, Mali, Guinée, Mauritanie, Cameroun, Togo, Côte d'Ivoire, Congo. Dos, c'est la famille. Eh, tu sais quoi, gros? Rajoute de l'instru, s'il te plaît. À mes Babtou, à mes Noachi. Bref, tous ceux qui sont dans le délire. Igo, Pirai, Strouy, K, P, Pirai, Strouy, K. 100% rap français, planète rap. La Nocturne. Yeah, yeah, yeah, yeah. De Ben Gris. Faut bien que je perce, non? J'ai nagé dans des profondeurs de la street. Toi, tu n'avais pas pied. Aujourd'hui, à bâtard. Aujourd'hui, à bas-pied. Je me suis tellement fait palper qu'aujourd'hui, je vis pour le papier. Aujourd'hui, à bâtard. Aujourd'hui, à bas-pied. Calé avec mes loupards dans Paris, je suis azelé tout part. J'ai un plan père, je suis pas dans les tous parts. J'ai peau poil et ne gelé cougar. T'as pas de quoi t'acheter une repée, enculé. Tu veux faire la reggae, c'est avec ton sang que tu vas nous régler. Va en retrait ou t'auras des regrets. J'ai consulté tous mes mogors. Des gabarins contre des flocons n'ont jamais liquidé un flacon de gras ou même touché du soqué. Ramener du Yamakuji, ça excite bien plus que du saké. Tu me connais, je suis toujours sapé. Proprement, je vais vous faire une saleté. J'ai nagé dans des profondeurs de la street. Toi, tu n'avais pas pied. Aujourd'hui, à bâtard. Aujourd'hui, à bas-pied. Je me suis tellement fait palper qu'aujourd'hui, je vis pour le papier. Aujourd'hui, à bâtard. Aujourd'hui, à bas-pied. Arrêtez-moi vos corées. Je suis pas effrayé par vos AK. Si je vais gonfler mes bravas, c'est pour mieux soulever mon AK. Soir, soit je mets bien tous mes gavas. Un peu taga et deux, trois tchèpes. Mes ennemis se font allumer. Je suis innocent. Mais venez pas me checker. Tu me vois danser dans mes clips. Je peux te faire bouger ton cul en club. Ou te faire chialer sur un titre. Et dans Zoulou t'effrayer ta run. Le maniement des mots, la maladie d'un mélomane. A2P, je suis un phénomène au mic. Aujourd'hui je suis dans l'anonymat. Un clip tu cliques et je fais péter l'audimat. J'ai nagé dans des profondeurs de la street. Toi tu n'avais pas pied. Aujourd'hui à bâtard. Aujourd'hui à bas-pied. Je me suis tellement fait palper qu'aujourd'hui je vis pour le papier. Aujourd'hui à bâtard. Aujourd'hui à bas-pied. Ou bien à bas-pied. J'ai fait ça sans. Pour tous mes Ivoiriens, y'a folle. On est ensemble. À bout de bain. Qui veut faire mieux? Tiens, apprendra. Allez prévenir vos gavas ou vos gommis. De Beng est là pour tout rafaler. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Planète rap 100% explicit lyrics. Ça parle. Rien que ça enquête, gros. Je les ai sur le dos. Comme les keufs. Quand je vais signer mon contrôle judiciaire. Tu veux parler de mes Jeff? Je viens dans le 93. Boycotté comme un L, car CZ, je suis CZ. Chaque semaine, un autographe. Palais de justice. Contrôle judiciaire depuis 5 ans, fils. Tu veux parler de mes Jeffs, je viens dans le 93. Boycotté comme un L, car CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire depuis 5 ans, fils. Coup de tête, Zidane, Materazzi, maintenant jugez ma vie. Que des rumeurs dans tout Paris, j'atterris, paraît qu'on m'a fait du troll. Si tu la prends en le vrai, quand je vois tes messages, je te réponds lol. Pas de placard pour le rap, si je fais au ballon, c'est pour la MIFA. T-A-N-T-F, panique et ta mère en T-N, tu comprendras. J'ai fait des fautes comme tout homme, parce que j'ai des failles. J'ai grandi dans la cité, donc j'ai mon PEP de racaille. Je me suis fait tout seul, élevé tout seul, quand t'as que de la gueule. Si t'es parti au placard, t'as dû écouter l'un de mes singles. Ce que je fais touche des gens, je m'en rendais pas assez compte. Big rap, travail, terre-terre, celui qui pousse la fonte. Il faut qu'à lâcher, parce que attaquer, on se connaît nous. Laisse les vers tu cries tous ces fils de pute, ils vont faire walou. Laisse les vers tu cries tous ces fils de pute, ils vont faire walou. Tu veux parler de mes Jeffs, je viens dans le 93. Boycotté comme un L, car CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire depuis 5 ans, fils. Tu veux parler de mes jeffs, je viens dans le 93. Boy, côté comme un Elka, CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire depuis 5 ans, fils. C'est vrai que la signature m'avait rendu moins tard. La connerie de photos de Rosta, tous les trucs de bâtard. Pour te dire la vérité, y'a pas beaucoup de scrams. Donc on a réduit l'équipe, perd tous les incapables. L'un de mes gars a déconné et je prends toujours moi. C'est le mec tout mais demi numéro 1 de la Mavida. La réalité peut paralyser, faire crier m'aider. Y'a des ennemis vrais de toi les amis, faut savoir analyser. Que tu me laisses toujours garder la rue dans mon cœur. Toujours avancer sans avoir peur de l'erreur. J'ai perdu tellement des miens que j'ai le flot qui pleure. Tellement de cadavres, le cimetière est dans mon sang pleure. Tu veux parler de mes jeffs, je viens dans le 93. Boycotté comme un Elka, CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire depuis 5 ans, fils. Tu veux parler de mes jeffs, je viens dans le 93. Boycotté comme un Elka, CZ, je suis CZ. Chaque semaine un autographe, palais de justice. Contrôle judiciaire depuis 5 ans, fils. Nous voilà vite Montana dans la nature. Un coup de feu dans le darkness. Ils en veulent à ma peau, gros, je les prends de vitesse. Je progresse, ma course est parfaite. J'arrive en tête, ils voulaient me voir en bête. Jamais d'aussi, je m'entête. La survie, c'est la compétition. Des peines incompressibles, vu qu'ils tirent avec précision. Dans la coup dure, à leur prédiction. Thème de prédilection, traqué depuis l'introduction. C'est le bordel dans ma tête. J'irai toujours droit au but, même avec une seule flèche à mon arc. L'espoir sera mon arme, on n'a plus de rêve à mon âge. Dis-leur tout l'heure du monde n'aura pas mon arme. Au combat contre le mal, t'inquiète, on fait le poids. Sans jamais se laisser abattre, baisser les bras, crois pas que j'en ai le droit. On t'a fait croire en l'exploit, on t'a fait plus, on t'exploite. Dis-moi, crois-tu qu'on ait le choix? De se voir survivre en moi. Que piste et braqué, plaqué, maqué par le mal. Par le mal. On veut te voir craquer. Craquer, piste et braqué, marcher comme des automates. Le reflet d'une photo ratée. C'est pourquoi mes potes râlent. À notre côté, il faut te rallier. Pour survivre, il faut se battre. Leur liste, j'ai motoradié. Monte au créneau, monte les paliers. Quel choix auront mes alliés. Dans la tombe, avoir un pied. On voit l'avenir comme un rescapé. De se voir survivre en masse.